Toujours en Corée du Sud, selon la KBS, les États-Unis ont livré avec les forces d'autodéfense du Japon les exercices d'attaque nucléaire contre la République populaire démocratique coréenne à la mi-juin. Deux bombardiers stratégiques B-52 qui ont décollé de la base d'aviation américaine Anderson à Guam ont fait les exercices de déploiement et d'attaque nucléaire dans une zone stratégique avec les avions des forces d'autodéfense du Japon, l'infanterie de marine américaine stationnant au Japon et autres, selon le programme de guerre nucléaire contre la République populaire démocratique coréenne élaboré par la Maison-Blanche pour le cas échéant. Les autorités américaines et sud-coréennes ont déclaré ouvertement que cette zone stratégique signifie la péninsule coréenne.